all, cause you are the best. Mm-hmm. Yes, you are. Cream, get on top. Cream, you will cop. Cream, don't you stop. Cream, sugar. Look up in the air, it's your time. Le journal France Info. Mercredi 24 août, très bon réveil sur France Info, il est 8h. Et un nouveau journal, Noémie Bonin. Bonjour Noémie. Bonjour à tous. Un tremblement de terre dans le centre de l'Italie cette nuit. Il y a au moins 5 morts, des quartiers entiers ravagés. Les secousses ont été ressenties jusqu'à Rome. Quelles mesures pour bien réagir en cas d'attaque terroriste dans les écoles? Le gouvernement précise ce matin ses annonces pour assurer la sécurité des plus jeunes. Combien d'enfants souffrent de malformations à cause de la dépakine? Ce médicament contre l'épilepsie prescrit aux femmes enceintes a entraîné des malformations sur certains bébés. Une étude est dévoilée aujourd'hui. À suivre également, le constructeur naval DCNS, victime d'une immense fuite de documents confidentiels sur ses sous-marins. France Info. Noémie Bonin. L'Italie a donc été touchée par un fort tremblement de terre cette nuit de magnitude 6,2 dans le centre du pays. Plusieurs bâtiments sont détruits. Les autorités parlent d'au moins 5 morts. Dans la commune d'Amatrice, proche de l'épicentre, certains quartiers sont complètement rasés. On peut craindre un bilan beaucoup plus lourd dans les prochaines heures. Jérôme Vernier, sismologue à l'École et Observatoire des sciences de la Terre à Strasbourg. C'est typique des séismes majeurs qui se produisent régulièrement en Italie et notamment dans la chaîne des Apennins et dans la région là où a eu lieu le séisme de cette nuit. Et d'autre part, il faut noter que c'est un séisme qui est probablement relativement superficiel. Sa profondeur est estimée par l'Institut italien à 4 km de profondeur, ce qui fait que les dégâts s'en trouveront augmentés. Si vous voulez, les ondes ont un trajet moins important à parcourir et donc sont moins atténuées. Et donc les vibrations en surface sont plus importantes et génèrent plus de dégâts. Celui qui s'est produit cette nuit, en fait, est situé dans ce qu'on appelle un gap sismique, c'est-à-dire une lacune sismique, une zone qui n'avait pas été touchée par un séisme important depuis de nombreuses années et qui était donc considérée comme une des régions les plus à risque. Jérôme Vergne, sismologue à Strasbourg. Préparer les plus jeunes au risque d'attentats, c'est le but des mesures présentées ce matin par le gouvernement. À 6 jours de la rentrée scolaire, il s'agit de rassurer les parents, les élèves et les enseignants, même si la plupart ont déjà été annoncés ces derniers mois, c'est là qu'il y aurait. Dès le début de l'année, les écoles, les collèges, les lycées devront organiser 3 exercices d'évacuation ou de confinement et l'un d'eux devra simuler en particulier un attentat avec intrusion. Le mot attentat ne sera pas prononcé en maternelle, il n'y aura pas d'armes factices, mais les élèves devront être confinés comme s'il y avait une alerte terroriste. Le ministère de l'Éducation prévoit également de former les élèves de 3e au premier secours et tous les élèves délégués qui le souhaitent. Depuis le 13 novembre, les établissements sont sécurisés par des patrouilles de police police et des brigades mobiles aux heures d'entrée et de sortie. Les écoles et les commissariats sont en lien direct. Le 31 août, les rectorats vont d'ailleurs envoyer des alertes par SMS à tous les directeurs d'école ou proviseurs pour vérifier que tous les numéros sont bons. Pour le gouvernement, le but est de savoir anticiper et réagir. Des guides spécifiques seront d'ailleurs remis aux chefs d'établissement avant la rentrée. Par ailleurs, les directeurs d'école sont invités à organiser des réunions avec les parents pour bien sûr évoquer ces mesures de sécurité. Les précisions France Info de Célia Kiré. La Dépakine est-elle le nouveau scandale sanitaire ? Cet antiépileptique a été prescrit à de très nombreuses femmes en France, mais le médicament présente des risques élevés pour la santé du fœtus et il pourrait avoir fait des milliers de victimes. Les autorités sanitaires publient cet après-midi une étude sur ses conséquences. Daniela, par exemple, attend avec beaucoup d'impatience ses conclusions. Elle a pris de la Dépakine à partir de 19 ans et aujourd'hui, l'un de ses deux enfants accumule les problèmes de santé. Hélène Cordon l'a rencontrée à Toulouse. Maxime a 17 ans et depuis tout petit, il enchaîne les consultations chez des spécialistes. Il souffre de gros troubles du comportement et de douleurs articulaires. Aujourd'hui, il a trouvé le responsable de ses problèmes. La faute de Sanofi, d'avoir créé un médicament. Dans ce médicament, il y a des cellules qui arrêtent l'épilepsie, mais qui rendent aussi les enfants avec des handicaps. Ça me fait mal parce que peut-être qu'il y a des patrons qui vont me refuser d'avoir ce comportement. Ça m'a fait mal. Et l'avenir de Maxime, c'est bien ce qui préoccupe ses parents. Daniela espère que le ministère reconnaisse les dégâts de la Dépakine. Il aura besoin d'être reconnu en tant qu'adulte handicapé afin de pouvoir trouver un travail parce que peut-être il ne sera pas 100% autonome. J'attends qu'on nous dise c'est qui va continuer de prendre nos enfants en charge. Parce qu'il faut savoir que mensuellement, on en dépense beaucoup. 300 euros par mois pour payer les soins non remboursés de Maxime. Aujourd'hui, ses parents n'ont plus les moyens pour qu'il continue à voir un psychologue. À 43 ans, Daniela prend toujours de la Dépakine, mais elle avoue que si elle avait eu connaissance des risques, elle aurait choisi l'adoption. Hélène Cordon, France Bleu Toulouse pour France Info. Et la présidente de l'association de victimes de la Dépakine, sera notre invitée dans 10 minutes à 8h15. Le photographe François-Marie Bagnier va-t-il aller en prison ? Réponse cet après-midi, la cour d'appel de Bordeaux rend son arrêt aujourd'hui dans l'un des volets de l'affaire Bettencourt. 4 hommes sont rejugés, dont l'ancien confident de la milliardaire, donc soupçonné d'avoir abusé de sa vulnérabilité. Au premier procès, François-Marie Bagnier a été condamné à 3 ans de prison et 158 millions d'euros de dommages et intérêts. France Info 8h06, le constructeur naval DCNS, touché apparemment par une fuite de données massive. Les documents contiennent des informations techniques et confidentielles sur des sous-marins construits par le groupe français. Il y a quelques mois, justement, DCNS a été choisi par l'Australie pour la construction de sa nouvelle flotte de sous-marins. Mais le Premier ministre australien veut minimiser les conséquences de cette fuite. Les précisions d'Élodie Largentan. Le Premier ministre australien estime en effet qu'il n'y a pas de quoi s'affoler. Le sous-marin que DCNS construit pour l'Inde n'est pas le sous-marin qu'ils construiront pour nous. C'est un modèle complètement différent et les informations divulguées datent de plusieurs années, souligne Malcolm Turnbull. Ces données divulguées dateraient de 2011, bien avant donc que l'Australie ne décide de confier la construction de ces 12 nouveaux sous-marins au groupe français. Le Premier ministre australien affirme aussi que l'organisation du projet, que les garde-fous seront différents. Nous avons les normes de sécurité les plus élevées en matière de défense, que ce soit dans le cadre de nos partenariats avec d'autres pays ou au sein même de l'Australie, assure-t-il. Malgré cela, on s'inquiète en Australie, on s'inquiète de la réaction des États-Unis qui doivent fournir le système de combat secret des futurs sous-marins. Et puis un spécialiste de la défense et de la stratégie fait remarquer que si les modèles de sous-marins sont différents, les principes de conception vont probablement être les mêmes. Leurs approches concernant les niveaux de bruit émis, par exemple, pourraient être similaires. À Melbourne, Élodie Largenton pour France Info. L'armée turque et les forces de la coalition internationale ont lancé cette nuit une opération en Syrie pour chasser les djihadistes de la ville de Jarabulus. Ça se situe tout près de la frontière turque, Alexandre Billette. Les autorités turques ont évacué la ville de Karkamish mardi soir avant de lancer une offensive dans la nuit contre la ville de Jarabulus, une opération menée par l'armée turque avec la coalition anti-Daesh. La Turquie, qui a déployé cette nuit l'artillerie et l'aviation avant une probable offensive terrestre par les rebelles syriens soutenus par Ankara, avec pour objectif certes de déloger les djihadistes, mais surtout de prendre de vitesse les forces kurdes qui avancent maintenant vers ces positions. La Turquie semble passer à la vitesse supérieure, notamment depuis l'attentat de Gaziantep samedi soir. Les autorités turques qui répètent vouloir éradiquer Daesh et empêcher la création d'une entité kurde dans le nord de la Syrie. Une accélération de l'agenda syrien d'Ankara à quelques heures à peine de l'arrivée en Turquie du vice-président américain Joe Biden. Istanbul, Alexandre Billet, RFI pour France Info. En football, le ticket pour la Ligue des Champions est décroché, ça y est, pour Monaco, après sa victoire hier 1-0 face à la Villarreal en barrage. La France a désormais 3 représentants cette année dans cette compétition européenne, avec Lyon et le PSG. Et puis pour les accros de l'info que vous êtes, je n'en doute pas, découvrez ce matin la nouvelle application de France Info. Vous pouvez voir les toutes dernières actualités, des vidéos aussi, et bien sûr écouter la radio depuis votre téléphone. Le site internet de France Info est également tout neuf, ça sent encore presque la peinture fraîche, mais faites-y un tour, ça vaut le coup. En plus qu'un tour, même plusieurs tours. Et puis alors n'oubliez pas de supprimer l'ancienne application France Info qui ne fonctionne plus. Voilà, qui n'est plus mise à jour, donc on va tous vers la nouvelle application. Merci beaucoup Noémie Bonin, il est 8h. Il est 10h09 sur la première, bonjour à tous, un coup d'œil sur la météo. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Selon les prévisionnistes de Météo France, le temps serait mitigé aujourd'hui avec des nuages qui sont de plus en plus nombreux sur l'est et le sud-est. Idem pour l'intérieur de notre île. Et puis alors dans le courant de l'après-midi, il y aura de la pluie dans les hauts, sur la plaine des Palmistes, jusqu'au hauteur de la Possession. En passant par le Colorado à la montagne, il ne sera même difficile d'apercevoir les plus hauts sommets. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Dans la quatrième, pour le prix de l'évêque Beachcomber, la combinaison gagnante, le 8, le 16, l'As, le 12 et le 9. 8, 16, As, 12 et le 9. Aujourd'hui, mercredi, sur l'hippodrome de Vincennes, dans la première, pour le prix de Beaune, le montant de la tirelire, 4 100 000 euros. Voici les pronostics de Pascal Maillot. Le 13, le 3, 8, 16, 7, 18, 15. Le 10 et le, en cas de non partant, le 6. 13, 3, 8, 16, 7, 18, 15, 10 et en cas de non partant, le 6. Si vous souhaitez en savoir plus sur les démarches à faire pour votre future retraite, un conseil, restez bien avec nous sur Réunion Première et je vous conseille aussi de réagir au standard au 02 62 99 2000. Êtes-vous en ce moment en pleine réflexion sur ce moment important de la vie? À quel moment la demande doit-elle être faite? La retraite n'est-elle pas automatique? Comment se faire aider? Et juste pour votre information, sur le département, seule une personne sur 5 demande sa retraite au bon moment. En moyenne, la demande est faite 2 mois avant la date de départ souhaitée. C'est cependant trop tard, avec le risque de ne pas être payé à temps. Prenez de l'avance, posez vos questions à nos experts, faites-nous part de vos inquiétudes en composant le 02 62 et 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. La retraite, un moment clé dans la vie de tout un chacun. N'hésitez pas, donc, jusqu'à 11h30, les experts sont à votre écoute. 02 62 99 2000, Mathias qui vous attend au standard de la première. Et puis, c'est Pascal Langlois qui réalise donc l'émission ce matin des experts. Hier matin, par un détour, j'ai rencontré mon ami Marcel. A dit à moi mon premier amour, à tout le monde a dit mon nouvelle. Moi l'a dit, ça c'est de l'histoire ancienne. Puis retourne derrière. Les souvenirs lui ramènent les pères. Un côté l'ombre, l'autre la lumière. Et ici, moi, la reste tout seul. Moi, elle est toujours la case, mon nom. Moi, dans l'amour maternel. Pour moi, elle est suffisant. Moi, la vie, un choix de vie. Ou pour une fille, mi sous frappe. Ça dit, pour moi, la vie, elle est belle. Avec mon maternel. Et ici, moi, la reste tout seul. Moi, elle est toujours la case, mon nom. À l'amour maternel, pour moi il est suffisant. Moi la vie un choix de vie, donc pour une fille mi sous frappe. Ça dit pour moi la vie est belle, avec mon maternel. Elle est devenue, non, n'y veut pas savoir. C'est le cadet de mes soucis. Un matin dans l'arrosoir, si tu vois mon ami cou, si tu fais l'aller, agir au pollen. Allez, Marcel, sois cool. Dis le temps, la cicatrice, mes pères. Viens ici, moi, la reste tout seul. Moi, elle est toujours la case, mon nom. Moi, plein l'amour maternel. Pour moi, elle est suffisante. Moi, elle a fait un choix de vie. Donc, pour une fille, il souffre à vie. Ça dit pour moi, la vie est belle. Avec mon maternel. Djali, si moi, elle reste tout seul. Moi, elle est toujours la case, mon monde. Plein l'amour maternel. Pour moi, elle est suffisante. Moi, elle a fait un choix de vie. Donc, pour une fille, il souffre à vie. Ça dit pour moi, la vie est belle. Avec mon maternel. Djali, si moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, mon monde. Moi dans l'amour maternel. Pour moi elle est suffisante. Moi elle a fait un choix de vie. Donc pour une fille, m'y souffre à pire. Ça dit pour moi la vie est belle. Avec mon maternel. Djali, si moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, mon monde. Moi dans l'amour maternel. Pour moi, elle est suffisante. Moi, elle a fait un choix de vie. Donc, pour une fille, m'y souffre à vie. Ça dit pour moi, la vie est belle. Avec mon maternel. Avec mon maternel. Le passage à la retraite est un moment clé de la vie, de votre vie. La CGSS, la Caisse Générale de Sécurité Sociale, est à vos côtés pour vous accompagner dans ces démarches. On en parle sur la première avec nos experts. Et bien, seul numéro de téléphone, évidemment, pour intervenir, pour poser toutes les questions. 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Les experts de la première, nous accueillons ce matin Emmanuelle Boireau-Sautière, directrice de la retraite. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Également présent Yves Bénard, assistant technique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions des auditeurs sur la première, parce que c'est important, le sujet de la retraite. Et puis alors, ce qu'il faut surtout revenir, on va enfin surtout parler de cette campagne de communication sur la retraite qui s'est terminée le mois dernier. Elle avait débuté au mois de juin. Et dans l'ensemble, le bilan est-il positif? Alors, le bilan est globalement positif, même si c'est encore un peu tôt pour en tirer des conclusions définitives. En tout état de cause, le message principal de cette campagne était anticipez vos démarches pour partir à la retraite. Préparez-vous, contactez-nous 6 mois à l'avance. Et on a pu constater au mois de juillet un afflux d'appels téléphoniques de personnes se renseignant pour savoir quelles sont les démarches pour partir à la retraite. Donc, dans l'ensemble, le message prend. Plutôt, oui. Et puis, voilà, il faut effectivement continuer à passer les bons messages et faire en sorte que les personnes qui entrent dans cette démarche le fassent le plus sereinement possible le moment venu. Alors, en clair, les Réunionnais sont aujourd'hui bien au courant des démarches à faire, parce que c'est ça aussi, parfois, qui manque. Ils ne savent pas où aller, vers qui se tourner, surtout. Ouais. Nous pensons que nos assurés manquent encore des bonnes informations pour pouvoir préparer sereinement leur passage à la retraite. Preuve en est, nous recevons à peu près 500 demandes de retraite tous les mois à la CGSS. Et, 500 sur, oui, 500. Et sur ces 500 demandes, plus de 60% arrivent trop tardivement. C'est-à-dire qu'elles arrivent à peu près 3 mois, parfois beaucoup plus tard, avant la date souhaitée du départ à la retraite. Donc, ces dossiers, par définition, peuvent générer en tout cas des ruptures de ressources au moment de l'arrêt de l'activité de la personne. D'accord. Le délai moyen pour traiter une demande de retraite à la CGSS, c'est de 4 mois. Donc, toute demande qui arrive après ces 4 mois risque de générer quelques difficultés au moment de l'arrêt de l'activité de la personne. Après, il y a ce constat. Donc, une personne sur 5 demande sa retraite au bon moment. Une personne sur 5 seulement. Effectivement, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette campagne et c'est la raison pour laquelle nous nous attachons à sensibiliser l'ensemble de nos usagers pour qu'ils s'y prennent au bon moment. Et le bon moment, c'est 6 mois avant la date souhaitée d'arrêt de son activité. Prendre contact avec la CGSS au 3960 pour engager ces démarches. C'est le numéro à retenir, le 3960. Alors nous avons deux numéros, puisqu'en fait nous gérons deux types de populations, les assurés qui relèvent du régime général, mais également les exploitants agricoles. Donc pour toutes les personnes qui relèvent du régime général, le numéro de téléphone c'est le 3960, et pour les personnes qui sont exploitants agricoles, le numéro de téléphone est le 0 262 40 36 22. 02 62 40 36 22. Yves Bénard, vous êtes assistant donc technique, c'est oui, ça oui, très bien. Alors en clair, ça veut dire? C'est-à-dire que je travaille beaucoup sur la réglementation retraite. Vous savez, les choses bougent énormément chez nous. Je viens en assistance aux agences retraites de Lille. Ouais. J'apporte des réponses sur les situations un petit peu complexes. Il y a parfois des situations un peu compliquées. Exactement. Très bien. Alors, le standard est à votre disposition sur la première au 02 62 99 2000 parce qu'on parle de choses très importantes aujourd'hui. C'est votre retraite. La préparer, c'est important. Et puis, si vous êtes en pleine réflexion en ce moment, donc n'hésitez pas à nous joindre. On est là pour répondre à toutes les questions. À quel moment la demande doit-elle être faite? La retraite n'est-elle pas automatique? C'est l'impression que parfois on a. Comment se faire aider? Quelles sont les démarches à faire? 02 62 et 99 2000 par SMS. Vous continuez aussi à réagir au 06 92 70 2000. De la retraite sur la première, Emmanuel Loireau, sautière, directrice de la retraite, et Yves Bénard, donc, qui est avec nous, qui est assistante technique, et puis vous aussi au standard de la première, Claudette et Valentin en 02 62 99 2000. Première. Bonjour Claudette. Oui, bonjour. Bonjour, vous habitez Saint-Gilles. Voilà, moi je viens d'entendre la dame qui disait qu'il fallait faire son dossier 6 mois avant. 6 mois avant, oui. Oui, ouais. Et moi je dis que c'est pas vrai du tout. Parce que moi, je l'ai fait longtemps d'avance. Hein. On m'a dit que c'était trop tôt parce qu'il y avait plein de dossiers pour les gens qui allaient en retraite avant moi et qu'il fallait attendre que c'était trop tôt. Donc depuis l'année dernière, j'ai commencé mes dossiers. On m'a dit d'attendre au mois de décembre. Après décembre, on m'a dit janvier. Ils m'ont envoyé, effectivement, hein, ils m'ont envoyé le dossier, on m'a dit qu'on va vous appeler. Donc ils m'ont appelé, effectivement, j'ai été bien reçue. C'est très ils bien, m'ont fait bravo. Tout le nécessaire, j'ai envoyé tous mes fiches, je paye. Oui. Et qu'effectivement, le mois de mai, je n'aurai pas de salaire, puisque bon, il fallait attendre, quoi. Aujourd'hui, oui. Monsieur, on est fin août. Oui. Et je n'ai encore rien du tout. Alors, on vous a dit que c'était trop tôt, et là, on... C'est... Oui, on m'a dit que c'était trop au tôt. Départ, hein. Donc, au départ. Donc, moi, on peut regarder sur mon dossier, mon dossier... Ça a dû être fait, je crois, fin janvier, je crois. Hein, parce qu'on m'a dit, comme je partais le 1er mai, donc on avait encore le temps, on avait le temps de faire. Et j'ai appelé, donc c'était écrit chez moi, la date et tout, j'ai appelé tout le temps, ils m'ont rappelé effectivement, mais ouais. J'ai pas fait 6 mois avant. Alors, vous permettez, s'il vous plaît, que l'on écoute les experts hein, pour avoir leur avis. Alors, oui, Emmanuel Boiron-Sautière. Oui. Bonjour, madame. Effectivement, fin janvier, c'était le bon moment pour contacter la CGSS. Ce n'est pas le dépôt de votre demande de retraite qui est la date repère quand on parle d'un délai de 6 mois. C'est ce que vous avez fait, c'est-à-dire contacter la CGSS 6 mois avant pour enclencher ensuite l'accompagnement vers la retraite. Effectivement, tout s'est passé comme il le fallait au départ, puisque vous avez eu un échange téléphonique avec un de nos conseillers qui vous a ensuite donné rendez-vous. Là où je suis plus embêtée, c'est sur l'absence de réponse concernant votre situation. Qu'est-ce que l'on vous a dit au téléphone ? On vous indiquait qu'il y avait des pièces manquantes, une difficulté particulière ? Il y a la semaine dernière, parce que j'ai rappelé justement cette semaine, j'ai rappelé cette semaine. Oui. J'ai fait essayer de voir quelqu'un si je connaissais qui pouvait voir quelqu'un pour moi au niveau de la sécu et tout. Mmh. Donc j'ai essayé un petit peu dans tous les sens, quoi. Mmh. Et là, mon dossier, donc, a été, ça y est, ça a monté un petit peu, là, parce que je suis allée sur Internet, je regardais un petit peu. Mmh. Et là, maintenant, ils m'ont renvoyé le courrier de la semaine dernière pour me dire qu'il fallait que j'envoyais, qu'il manquait les trucs de 78, quoi, alors que j'avais tout donné. Mais enfin, que là, apparemment, là, ça serait parti, qu'ils allaient me verser quand même une certaine somme oui. Et qu'ils allaient après revoir pour la somme exacte. Quoi. Alors, c'est effectivement la somme que vous allez recevoir, c'est une garantie de versement. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, la garantie de versement? Alors, la garantie de versement consiste en... c'est une garantie de paiement dans le mois de départ à la retraite souhaité que l'on peut recevoir à partir du moment où le dossier de demande de retraite a été déposé oui. Complet, d'accord. Je dis bien complet, 4 mois avant la date souhaitée. Parce que, effectivement, quand je parle d'un délai moyen de 4 mois pour le traitement d'un dossier, c'est bien un délai moyen. Il peut arriver que sur certains dossiers, on rencontre des difficultés, parce que c'est ce qu'expliquait M. Bénard tout à l'heure, la réglementation est extrêmement complexe. Il y a un certain nombre de cas particuliers et il se peut que malgré, je dirais, l'efficacité des services et toute la bonne volonté, on rencontre une difficulté qui bloque le traitement de votre dossier. Mais dans ce cas-là, on vous verse un minimum, une fraction de la retraite que vous percevrez pour que vous ne restiez pas sans ressources. Moi, ça n'a pas été fait parce que je vous dis, on est fin août et je n'ai rien reçu. Mais vous avez une garantie de versement qui va vous arriver. C'est ce que vous avez eu comme... Oui, là, je vais arriver, mais je veux dire, pendant mai, juin, juillet, août, 4 mois, je n'ai rien. Après, on cherche pourquoi les gens sont stressés, les gens sont dépressifs, je comprends tout à fait. Il y a des problèmes et tout, et c'est normal. Hein. Oui. Moi, heureusement que j'ai pu essayer de m'arranger pour pouvoir payer ce que je devais. On comprend votre inquiétude. Mmh. Oui, Yves Bénard. Oui, bonjour madame. Pour compléter aussi. Quel est votre point de départ donné de votre pension ? Oui. En principe, 1er mai, moi. Le 1er mai. Parce d'accord. que j'étais en pré-retraite, moi, déjà. Oui, mmh. D'accord. Donc, j'étais payée par la CEDIC. Mmh. Et la CEDIC était... Bon, ça fait longtemps que j'avais le courrier, déjà, comme quoi, à partir du 30 avril, ben, j'étais plus payée par la CEDIC. Il fallait que je fasse mon dossier pour la retraite. D'accord. C'est ce que je vais ajouter par rapport à ce qu'a dit Mme Moirot. Hein. Mmh. Donc, votre dossier a été liquidé provisoirement, en attendant que les recherches se fassent pour cette année 1978. Votre dossier sera ensuite révisé. Bon, pour l'instant, vous nous dites que vous n'avez pas encore eu de nouvelles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vos coordonnées hors antenne et nous allons voir exactement ce qu'il en est de votre dossier. Mm-hmm. parce que j'ai appelé là dans la semaine et là ils m'ont dit que mon dossier était parti à la comptabilité. D'accord. Bon, alors c'est que le paiement va intervenir très rapidement. Néanmoins, on vous recontacte dans moins Bien de 48 sûr. Heures, madame. Mais on va le vérifier. Claudette, parce que tous ceux qui passent à l'antenne, évidemment, ont fait le suivi du dossier. Donc, soyez rassurés. Je regarde Mathias. Mathias, il a toutes les coordonnées de Claudette de Saint-Gilles? Oui, il me dit. Voilà, Claudette. Donc, soyez rassurés. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, à très bientôt. Il y a plein de gens, bien sûr, qui connaissent, qui se posent des questions. Ben, comment ils vont faire C'est bien normal. C'est pour cela aussi que l'on fait cette émission et c'est pour cela aussi que la Caisse Générale de Sécurité Sociale est présente ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. À très bientôt. Vous souhaitez en savoir un peu plus sur votre dossier retraite? Quelles sont les questions que vous aimeriez poser à nos experts? Comment se fait le calcul de sa retraite? Quels sont les éléments qui manquent, selon vous, à votre dossier? Et puis, à quel âge vous devez prendre la retraite? On est là au standard de la première, au 02 62 99 2000. Yeah. Valentin de Salazy. Bonjour Valentin. Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ben, ça va bien. Alors, votre retraite? Oui, j'ai déjà posé la question là. Hein. Allez-y. Normalement, j'ai 62 ans. Hein. 62 ans, oui. Oui, le 30 janvier 2017. Hein. 62 ans, le 30 janvier 2017. Oui. Et actuellement, bon, je perçois l'ASS, c'est l'allocation spécifique de solidarité, là, hein, d'accord, plus oui. Un complément de RMI. Oui. Et c'est juste pour savoir, quand est-ce qu'il faudrait faire la demande pour 62 ans ou attendre 65 ans? Alors, est-ce qu'il doit faire sa demande maintenant ou alors attendre 65 ans? La question, elle est très, très précise, Valentin. Merci pour cette question. Oui, Yves Bellard. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Avez-vous une idée du nombre de trimestres que vous avez sur votre carrière actuellement? Ah, là, j'ai pas les papiers. Ce que j'ai reçu au niveau de la CGSS, hein, oui. On m'a donné à peu près un montant à 62 ans, c'est-à-dire à peu près d'aller... 360 euros à peu près. D'accord. Et à 66 ans, 600 et quelques euros, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez eu des indications si c'était le taux plein ou le taux minoré chez nous, le taux plein que, de la retraite? Ah non, je ne pense pas si c'est taux plein, ça. Oui. Parce que j'ai un parcours professionnel. Oui, comme pendant mon parcours, j'ai eu un problème de santé, hein. Donc j'ai eu quand même des petits cassures dans mon parcours. C'est pour la soirée, je vais soir. D'accord. Et l'ASS, c'est... Oui, excusez-moi, monsieur. Et au niveau du Pôle emploi, est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils allaient vous indemniser pour quelle période exactement? Ah non, mais là, je ne sais pas au niveau du Pôle emploi, jusqu'à quand ils indemnisent. Bon, il me semble que, bon, d'après ce que je comprends de votre situation, hein, peut-être que ce n'est pas maintenant le point de départ de retraite pour vous, mais rien ne vous empêche d'aller sur notre site, l'assurance-retraite.fr. Oui. Et de faire une estimation, de voir exactement, ou d'appeler le 3960 afin d'avoir un conseiller en ligne, afin qu'il vérifie votre situation. Oui, oui. Voilà. Pour compléter l'information donnée par Monsieur Bénard, ce qui est important pour vous, c'est de savoir quel est le meilleur moment pour partir à la retraite. Oui, est-ce que c'est à 62 ans ou est-ce que 65 ans? 65 ans. Oui. Alors pourquoi la différence? C'est parce que 62 ans, c'est l'âge légal de départ à la retraite. Mais ça ne veut pas dire que si on prend sa retraite à 62 ans, on aura le maximum de la pension que l'on peut avoir. Par contre, à 65 ans, c'est ce qu'on appelle l'âge légal de la retraite à taux plein. Oui. Et on a la garantie d'avoir le maximum de sa pension de retraite en partant à 65 ans. Donc, 67 ans selon la date de naissance. Alors, vous êtes né en quelle année, monsieur? Le 30 janvier 55. 55. Donc, pour vous, ce sera 67 ans pour partir à la retraite à taux plein. En tout état de cause, vous avez besoin de précision et d'avoir des éléments d'information sur le nombre de trimestres que vous avez à votre carrière. Moi, je vous invite à aller, comme vous le disait monsieur Bénard, sur l'assurance-retraite.fr ou appeler le 3960. Il faut, si c'est à 62 ans que vous pouvez prétendre à une retraite maximum, c'est vers le mois de juin, mois de juillet qu'il faudra vous engager dans vos démarches, contacter la CGSS pour demander un rendez-vous pour partir à la retraite. Entre aujourd'hui et le mois de juillet, contactez la CGSS et on vous donnera les précisions dont vous avez besoin pour prendre la bonne décision. Valentin, on rappellera les numéros de téléphone voilà, pour que vous soyez rassuré surtout, oui. D'accord ? Oui, ben j'ai le 3960 là. Moi, ce que je veux savoir, si vous avez toutes les informations, si ça va mieux là. Ben, pas tellement. Mais oui. je peux peut-être ajouter quelque bien chose. Bien sûr, allez-y. Oui. Ben, il faut savoir que si actuellement vous n'avez pas le taux plein chez nous qui est de 50%, vous allez pouvoir vous demander votre retraite puisque vous avez atteint l'âge légal de 62 ans. Oui, oui. Maintenant, cette retraite, il va y avoir un phénomène qu'on appelle la décote. Ce sera une retraite à taux minoré, donc un taux compris entre 26 et 50%, ce qui veut dire que ce montant sera ensuite définitif si vous le prenez. Oui, oui. D'accord ? Donc c'est effectivement pour ça. C'est très difficile à l'antenne de pouvoir vous donner une réponse puisque nous n'avons pas votre dossier sous les yeux. La seule solution, moi je vais appeler le 3960. Oui, et vous aurez des techniciens qui sauront vraiment vous donner le meilleur conseil pour vous permettre de prendre la bonne décision. Je vais rajouter aussi que Valentin, une fois sorti de l'émission, la CGSS, donc nos invités, nos experts, ont les coordonnées de tous ceux qui passent à l'antenne, donc on vous rappellera. On vous recontactera. Soyez vraiment rassurés, d'accord ? Mais c'est bon, je ne vous retarde pas trop aussi. Mais non, Valentin, on est très contents de vous entendre. Mais Valentin, votre intervention est intéressante, ça nous permet de passer un message qui est important, c'est-à-dire que M. Montanet nous indiquait tout à l'heure que la retraite n'est pas automatique, et la retraite n'est automatique pour personne, y compris pour les personnes qui reçoivent l'ASS, qui perçoivent le RSA, ou qui perçoivent des allocations chômage. Et bien souvent, nous avons des assurés qui sont en très grande difficulté parce que le chômage est coupé, le RSA est coupé, parce qu'ils ont atteint l'âge de départ à la retraite, et qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour demander leur retraite. Et ce n'est pas la CAF ou Pôle emploi qui disent à la CGSS que là, il faut faire la demande de retraite. C'est bien l'assuré qui doit contacter la CGSS. Donc, nous conseillons à tout le monde, quelle que soit la situation, à 62 ans moins 6 mois, de nous contacter. Voilà, Valentin. Oui. Merci. Si, par exemple, on fait la demande, par exemple, à 62 ans. Oui. Et est-ce que la CAF continue de verser le complément ? Non, la CAF ne versera pas le complément puisque c'est la retraite qui se substitue. C'est pour ça qu'il faut prendre la bonne décision. D'accord, Valentin. Oui, oui. Merci. C'est bon, là, hein. Merci, Valentin. Oui, ben, allez, au revoir et bonne journée à vous. À très bientôt. Allez, au revoir. La retraite, c'est comme votre slogan. La retraite, c'est comme un bon carry. Il faut préparer à lire. J'adore ce slogan-là. Je vais saluer Philippe avant d'entendre Poetic Lover sur la première. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes de Sainte-Marie. Je vous présente les experts ce matin. Emmanuelle Waro-Sautier, qui est directrice de la retraite. Yves Bénard, assistant technique. Donc, vous restez bien avec nous, s'il vous plaît. Et je vous invite aussi à réagir au standard de la première, au 02 62 99 2000. Et puis, continuez là également les SMS au 06 92 70 2000. Oh, je sais bien connaître l'ivresse, te couvrir de baisers, de caresses, de nous envoyer au septième ciel. Le délai moyen pour traiter une demande de retraite est de 4 mois. Une personne sur 5 seulement demande sa retraite dans les délais. Prendre contact avec les experts de la retraite de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, le 3960 pour le régime général. Et puis alors pour les exploitants agricoles, c'est le 02 62 40 36 22. Nos experts ce matin, Emmanuel Loireau-Sautière et puis Yves Bénard. Philippe, allez-y, c'est à vous. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, madame et bonjour monsieur. Bonjour. Alors voilà, mon petit problème, moi, c'est que, si vous voulez, hein, pour aller très rapidement, j'étais quasiment en fin de carrière et malheureusement, mon entreprise a fermé les portes et j'ai été licencié. J'ai donc pris des ACEDIC. Au suite des ACEDIC, je pensais pouvoir bénéficier du RSA. Mais, comme on m'a dit que mon épouse, étant toujours en activité, touchait plus de 1800 euros par mois, je n'avais pas le droit au RSA. Ce qui veut dire que j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans. Depuis 17 ans, je cotise. Aujourd'hui, à 60 ans, je ne peux toujours pas prétendre à l'âge de la retraite et qu'on est en 56, bien sûr. Il faut que j'attende encore un petit peu. Ce qui fait que je le vis aujourd'hui avec rien du tout. Si ce n'est le salaire de mon épouse, mais bon, c'est pas évident, hein, il faut le reconnaître. Alors, ma question était la suivante, donc j'ai bien tout compris, effectivement, on m'a bien dit 6 mois avant, donc je peux prétendre à peut-être une pré-retraite au mois d'octobre l'année prochaine, compte tenu que j'ai eu un début de carrière assez tôt, d'après ce qu'on m'a dit, et il faudrait que je recontacte la Sécurité sociale au mois de mars à peu près, c'est-à-dire au début de l'année 61 ans. Ma question était la suivante, lorsque je vais pouvoir prétendre à la retraite pour la Sécurité sociale, j'ai mes deux caisses de retraite complémentaire en tant que cadre, je cotisais donc à l'ARGIC et à l'ARCO. Non, oui. Ouais. Voilà. Ce sont des caisses, hein, c'est ça? Voilà, des caisses complémentaires hein, auxquelles je cotisais en tant que cadre. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que ça, c'est la Sécurité sociale qui se mettra directement en relation avec l'ARGIC et l'ARCO pour déclencher aussi leur versement à eux, ou est-ce que c'est à moi de m'en occuper? Oui, Emmanuel Oirot-Sautier, oui. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ce sera à vous de vous en occuper. C'est très important de le signaler. Alors, pour nos auditeurs, il faut rappeler que la retraite est constituée de deux étages. Il y a ce qu'on appelle la retraite de base, qui est payée par le régime général, et il y a les retraites complémentaires, donc la GIRC et l'ARCO. Quand on déclenche sa demande de retraite, il faut la déclencher auprès de toutes les caisses. La CGSS, l'ARGIRC ou l'ARCO, en fonction de la caisse auprès de laquelle on a cotisé, et c'est à l'assuré de le faire. Alors, ce serait effectivement beaucoup plus simple pour les assurés de pouvoir compter sur la CGSS pour que le lien se fasse avec les caisses complémentaires. C'est à l'étude, mais aujourd'hui, pour l'instant, c'est bien à l'assuré de faire toutes ces démarches en même temps. D'accord. Alors, et deuxième petite question, très rapidement, Philippe, pour laisser la place aux autres auditeurs. Allez-y, allez-y. Est-ce que, éventuellement, donc, à quel montant peut-on prétendre, par exemple, quand on arrive à l'âge, pour moi, de 62 ans, à la sécurité sociale? Parce que ça, pour l'instant, j'ai essayé de poser en plusieurs fois la question à la sécurité sociale, et on m'a dit, on verra en temps et en heure. Yves Bénard, oui, le montant, est-ce qu'on pourrait répondre ou pas, selon vous, à Philippe? Alors, bonjour Philippe. Bonjour, monsieur Bénard. Avez-vous déjà essayé de créer votre compte sur le site l'assurance-retraite.fr? Oui, on en parlait tout à l'heure, tout à fait. Oui. Voilà, depuis ce compte, vous pouvez faire une estimation de votre montant. Voilà. Avez-vous déjà effectué cette simulation ou pas? Non, je n'ai pas encore essayé, non. D'accord. Ben, mais j'avais posé la question lorsque j'avais eu la caisse en ligne qui m'avait dit, attendez encore un peu, parce que bon, là, ce n'est pas tout à fait le moment. Effectivement, vous allez pouvoir, à partir du mois d'octobre, prétendre à une retraite, octobre 2017. Donc, vous nous recontactez au mois de mars, c'est-à-dire à la date de vos 61 ans. Alors, vous pouvez estimer vos droits sur le site l'assurance retraite, et vous aurez même plusieurs âges en choix, de manière à voir les différents montants. Donc, je vous conseille vivement d'y aller. Et c'est une estimation qui intègre également les complémentaires. Et qui intègre en même temps les complémentaires. Mais les complémentaires sont en fonction du nombre de points. Exactement. Acquis, depuis toutes ces années qu'on a cotisé, bien sûr. Vous êtes bien au courant, en tout cas, Philippe. C'est très bien. Voilà, oui, merci. Oui. Bah, vous savez, ça fait quand même 3 ans que j'attends ça. Et c'est long, sans revenu du tout. Quand on a touché une certaine somme en tant que cadre, et du jour au lendemain se retrouver, mais alors sans rien du tout, c'est-à-dire pas un centime, alors que j'ai cotisé toute ma vie, j'ai commencé à 17 ans, j'en ai 60. Philippe, on reviendra vers vous dans quelques jours, dans quelques semaines, pour voir si votre dossier a avancé, d'accord? C'est gentil, je vous remercie en tout cas, merci beaucoup messieurs, dames, et puis je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Je voulais juste également passer autre information. Pour les auditeurs qui se retrouveraient dans la situation de Philippe, il faut savoir qu'il existe donc un dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. Quand on a travaillé... commencer à travailler tôt et donc cotiser tôt. On peut, en fonction de la durée de la carrière et de ce que l'on a cotisé, partir un peu plus tôt. Donc j'invite ces personnes à contacter également la CGSS ou à aller sur le site de l'assurance retraite pour se renseigner. Dans certains cas, il est parfois possible d'anticiper son départ. Nous irons retrouver Alain de Sainte-Rose dans moins de 30 secondes. Réunion première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion première. Si vous souhaitez en savoir plus sur les démarches à faire pour votre future retraite, eh bien, un conseil, restez bien avec nous sur la première. Vos réactions au 02 62 99 2000. Alain, je vous dis bonjour, 30 secondes, mais c'est vrai que je vais juste... Vous êtes galant, Alain? Oui. Vous êtes galant, vous êtes un homme galant, parce qu'il y avait Chantal avant, je suis désolé. Oui, les dames d'abord. Merci à vous. Les dames d'abord, c'est merveilleux. Chantal de Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Oui, Chantal, c'est à vous. C'est pour ma retraite. Oui, très bien. J'ai 63 ans. Et voilà, j'ai fait l'année passée ma retraite, je pouvais toucher très peu. Alors j'ai refusé et je touche le RSA. Oui. Et quand ça... Ils m'ont dit de refaire à 64 ans. Oui. Quel temps je peux faire ça? À quel moment, en fait, vous pouvez faire les démarches et prendre, c'est ça, pour faire la demande de retraite. Oui. Yves Bénard. Alors, bonjour madame. Oui, bonjour. S'il vous plaît, si vous pourriez me donner déjà votre date de naissance. 1953. Oui, la date exacte, complète, pardon. 9 janvier 1953. 9 janvier 1953. Oui. D'accord. Donc, vous avez fait une demande, vous, pour un point de départ initial au 1er mars 2014, c'est ça? Oui. 1er avril, pardon. Et donc, on vous a fait un rejet, puisque vous n'aviez pas encore vos droits ouverts. Oui. Donc, ce qu'il faudra faire, vous, c'est tout simplement, puisque ça va être 66 ans et 2 mois, c'est ce qu'on a dû vous conseiller. D'accord? 66 ans. Et 2 mois. 2 mois. Voilà, pour avoir le taux plein d'office. C'est ce qu'on appelle l'obtention du taux plein chez nous. Hein. Oui, mais est-ce que le RSA... J'aurai toujours le RSA. Normalement, le RSA devrait vous servir l'allocation jusqu'à votre prochaine date de point de départ de la retraite. Hein. Je vous confirme tout ça, madame. Nous travaillons étroitement avec la CAF. Et avec la CAF, il est effectivement bien convenu que tant que vous n'avez pas atteint l'âge de la retraite à taux plein, donc comme vous le disiez, monsieur Bénard, 66 ans et 2 mois, oui. C'est bien le RSA que vous percevrez. Après, c'est comme on vous le disait tout à l'heure, 66 ans et 2 mois, 6 mois avant, vous prenez contact avec la caisse et puis vous demandez un rendez-vous pour préparer votre retraite. Oui. Et ensuite, une fois que vous aurez votre retraite, la CAF cessera de vous verser le RSA, mais vous percevrez votre pension de retraite et tout se passera dans les meilleures conditions et très sereinement. Donc surtout, ne vous inquiétez pas, vous continuez de percevoir le RSA et quand vous faites votre demande de retraite, vous la faites à temps. Et au moment de vos 66 ans et 2 mois, la retraite se substituera au RSA. D'accord. D'accord, Chantal ? Oui, d'accord, merci bien. Merci à vous, à bientôt. À bientôt sur la première. Alain de Sainte-Rose, on vous a retrouvé, oui, allez-y. Oui, bonjour. C'est à vous, oui. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, je vous ai une question, c'est, j'ai commencé très tôt, j'ai 168 trimestres. Vous avez commencé à quel âge ? À 16 ans et demi, parce que j'ai 4 trimestres avant d'avoir 17 ans. Oui. Voilà. J'ai 168. Je voudrais savoir si je percevrai la totalité. Ou c'est 26% ou 25%, comme vous avez dit, ou 50% de la somme de la retraite. Alors, pour cela, pour vous répondre, monsieur, bonjour, monsieur, d'abord, excusez-moi. Bonjour. Alors, donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 6-12-57. 1957, 6, 12, hein. 1957. D'accord. Hein. Il faut savoir que pour ceux qui sont nés en 1957, il faut avoir 166 trimestres cotisés pour pouvoir partir à la retraite. Donc vous avez déjà le taux plein. Il a le taux plein. À l'âge d'égal, vous pourrez partir à la retraite à taux plein. Même si j'ai 59 ans. Non, mais vous pourrez partir à 62 ans. À 62 ans. Voilà, parce qu'il faut savoir que y a un âge d'égal, et l'âge d'égal pour vous, puisque vous êtes né en 1957, c'est 62 ans. Donc je suis obligé d'attendre 62 ans. Exactement. D'accord, très bien. Bon, mais je vous remercie. Hein. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. À très bientôt. Lucie qui nous dit au 06 92 70 2000, j'ai 52 ans, je travaille depuis plus de 31 ans. Est-ce que c'est le moment de faire les démarches, Yves Bénard? Oui, bien sûr, mais à ce moment-là, il faudrait qu'elle commence pareil sur le site l'assurance-retraite.fr, qu'elle voit où elle en est au niveau de sa carrière, qu'elle voit s'il manque pas des années, où elle aurait travaillé et que les années sont pas présentes, les années, les salaires sont pas présentes sur le compte. Et à ce moment-là, elle se rapproche de nous au 3960 pour qu'on lui fasse une régularisation de sa carrière. Marie qui dit, mon mari a 57 ans, il touche l'allocation spécifique, comment ça se passe pour la retraite? C'est exactement comme on l'a indiqué tout à l'heure, en fonction de sa date de naissance et de la date anniversaire de ses 62 ans, 6 mois avant, elle prend contact avec la CGSS pour engager les démarches. Daniel Le de Saint-André, bonjour Daniel. Bonjour Yves, bonjour. Les monsieur, dames qui sont invités. Bonjour madame. Oui, bonjour, allez-y. Merci. Oui, alors moi je voudrais poser la question, j'ai commencé à 15 ans et demi. Oui. Et j'ai reçu des papiers de la caisse me précisant que j'avais 199 trimestres. Oui. Et donc, j'aurai 60 ans le 2 janvier. Je suis née le 2 janvier 57. Mais en ce moment, je ne travaille pas, je suis en congé maladie. Et donc, je voulais savoir si j'ai possibilité de partir au mois de, à partir de l'année prochaine. Vous souhaitez, vous souhaitez partir l'année parce prochaine, que c'est ça? Je suis très fatiguée, j'ai des problèmes et donc je bien peux sûr, plus, quoi. Ça peut se comprendre. Oui, pour répondre à Daniel de Saint-André, Yves Bénard. Alors bonjour madame. Bonjour alors, monsieur. Je vais me répéter, pourriez-vous me donner votre année de naissance s'il vous plaît? Alors le 2 janvier 1957. Alors 1957, d'accord. Pour vous ça va être 62 ans, mais maintenant vous nous dites que vous avez travaillé dès l'âge de 15 ans et demi. De 15 ans et demi, oui. D'accord. Parce qu'il faut savoir que, puisque Mme Moirot parlait un peu plus tôt de la retraite anticipée pour longue carrière, il y a une condition d'âge. Oui. D'accord. Il y a une condition surtout de durée cotisée pour le... Quand je dis condition d'âge, c'est une condition d'âge de début d'activité. D'accord. Pour vous, c'est 15 ans et demi. Pour la génération 1957, nous avons trois possibilités. Enfin, du moins deux, puisque en moins de 16 ans, il faut avoir au moins 174 trimestres de cotisés. Oui. D'accord. Si vous voulez partir un peu plus tôt. Quel âge vous avez actuellement exactement? Là, j'ai 59 ans et demi. 59 ans et demi. Oui. D'accord. Merci. 59 ans et demi, c'est, vous avez une possibilité en ayant 166 trimestres de durée cotisée. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que dans vos trimestres, vous nous avez donné un total. Mm-hmm. Vous avez peut-être les enfants, etc., de compris dedans. Oui, et or, pour la retraite. Fonctionnaire d'éducation nationale. Hein. Fonctionnaire de l'éducation nationale. Là, nous changeons de sujet. Là, c'est différent. D'accord. Oui. C'est différent? Oui. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant, Daniel? Ça aurait été beaucoup plus simple. Vous avez bon, allez. Eu un accident de travail que oui, je ne peux plus travailler maintenant. Ouais. Quoi. Voilà. Alors, je vais apporter la précision. En fait, aujourd'hui, nous intervenons pour le régime général. Ah, d'accord. D'accord. Vous faites partie des fonctionnaires de l'éducation nationale. Oui. Voilà, donc en fait, on ne pourra pas parler pour eux. Oui. la meilleure chose à faire, c'est de prendre les informations directement auprès au rectorat, auprès de vos interlocuteurs qui gèrent ces sujets de retraite. Oui. Ils seront à même de vous donner les conditions dans lesquelles vous pouvez prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue. D'accord. Mais par contre, je voulais poser la question. J'avais reçu des papiers de la Sécurité sociale de Saint-Benoît. J'ai rempli. On m'a dit de donner des papiers. Mm-hmm. Parce qu'auparavant, j'ai travaillé un petit peu dans le privé aussi. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, j'ai tout donné. Et donc, depuis le mois de juin. Et donc là, j'attends pour savoir ce qu'on va me dire. Mais je sais que... Ça, ce ne sera pas mis à part de la retraite de l'éducation nationale, c'est ça? Ce qui serait important de voir, c'est est-ce que ces années dans le privé que vous avez effectuées, est-ce que ces années vont être quand même prises en compte par l'éducation nationale? C'est ça qu'il faudra voir sur la... Non, parce qu'il y a une partie que j'avais rachetée. Oui. Et les autres parties, donc, c'était avec le privé ici à La Réunion et le privé en métropole aussi, avant de rentrer dans l'éducation nationale. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. On entend souvent les Réunionnais dire « ça, j'ai racheté ». Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous avons une possibilité chez nous de faire... nous avons parce que, voilà, je vais expliquer. J'ai travaillé, disons, pour la mairie de Saint-Denis dans une école primaire. D'accord. Et donc, quand j'étais en métropole, j'avais posé la question quand je suis venue ici, j'ai demandé à racheter mes années. Et donc, j'ai pu faire, et puis ça a été pris en compte en... Voilà. Donc, c'est pour ça. D'accord. Il faut savoir que ce phénomène de rachat de cotisations existe aussi chez nous au régime général. Hein. Oui. Si un assuré se rend compte que sur sa carrière, il manque quelques trimestres, comme pour des années d'études supérieures, il a la possibilité de racheter des trimestres pour compléter sa carrière. D'accord. Voilà, Daniel. D'accord, ben merci beaucoup. Merci, merci. Et continuez, Yves... Claude Montagné, continuez, parce que vraiment, les émissions que vous faites tous les jours, ça aide beaucoup de personnes. Ah ben je dis merci souvent... Merci beaucoup. C'est pas ça, c'est merci aux experts. Ah oui, non, mais des invités aussi. Mais s'il n'y avait pas l'émission, donc il y a beaucoup de personnes qui seraient un peu dans les embarras, quoi. Merci, voilà. Daniel. Merci beaucoup. Bonne journée, mesdames. Ça me touche profondément. Ça touche toute l'équipe aussi. Merci à vous. Nous retrouverons Emmanuel Boireau, sautière directrice de la retraite, et Yves Bénard, assistant technique, juste après l'info de 11h sur la première. Continuez à réagir au 02-62-99-2000. Nous irons retrouver Marie-Reine tout à l'heure. Et puis de nombreuses réactions par SMS au 06-92-62-10-2000. On est sur la retraite ce matin. ça n'y veut pas. Le vent, la pluie, nous l'a besoin, ça même la réunion. Dans la montagne, n'y entend aux oiseaux gazouiller. Bon, la rivière, n'y voit que bichic la montée. Dans ton bateau, la fine rentrée, l'autre côté, ça veut la poser. Bonne touriste, la fine débarque, ça même la réunion. Sur la première avec Seguel. Bonne fin de matinée, 11h. Le Flash, Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Un incendie dans un immeuble au tampon a conduit les pompiers à faire évacuer le bâtiment. Ce matin, le sinistre s'est déclaré vers 9h. Il a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu serait parti d'un fauteuil qui se trouvait dans les parties communes de l'immeuble. On en reparle à midi. Tourisme à La Réunion après une amélioration l'an dernier. Les chiffres du premier semestre 2016 enregistrent une baisse de 4%, annonce de Stéphane Foissin qui était notre invité ce matin sur Réunion Première Radio. Le président de l'île de La Réunion Tourisme espère que ces chiffres seront compensés par une hausse de la fréquentation touristique dans notre île au second semestre. Stéphane Foissin, qui avec cette fois sa casquette de vice-président du conseil régional, a estimé ce matin que le retard pris sur le chantier de la nouvelle route du littoral était en partie le résultat d'une opposition politique. Après les révélations de la branche bâtiment de la CGTR hier, le groupement d'entreprises en charge de la construction de la digue a confirmé que cette partie du chantier était retardée faute de matériaux disponibles pour l'heure. Les carrières qui doivent fournir les roches nécessaires n'ont pas encore vu le jour. Du côté du viaduc de cette nouvelle route du littoral, c'est aujourd'hui que Zourit effectue sa première grande sortie en mer. La barge spécialement construite pour poser les 48 piles du viaduc de la nouvelle route du littoral a pris la mer ce matin pour faire des tests grandeur nature. Explication dans notre prochaine édition. Comme le TCO l'a fait dans l'Ouest il y a quelques mois, dans le Sud, la Civis a décidé de diviser par deux le ramassage des ordures. Cela veut dire que le contenu des poubelles vertes ne sera plus collecté qu'une fois par semaine. En ce qui concerne les poubelles jaunes, les déchets verts et les encombrants, les camions passeront désormais tous les 15 jours. Une nouvelle organisation, loin de satisfaire les habitants de la communauté de communes du Sud, nous les entendrons. Les premiers étudiants ont retrouvé les bancs de la fac lundi dernier pour des réunions préparatoires à la rentrée. La rentrée étudiante est au menu de C'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première à partir de 12h15, juste après le journal. Philippe Dornier recevra Elno Herrier, le président de l'UNEF Réunion, l'Union Nationale des Étudiants de France, et Lucie Annette Nativel, la responsable du service Vie étudiante du CROUS. Vos questions et réactions par téléphone au 0262 99 2000, par SMS au 06 92 70 2000, et également sur les réseaux sociaux. L'info locale revient à midi sur Réunion Première. Et tout de suite, un tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. L'essentiel en ce mercredi 24 août, Jean-Christophe Martin. Un tremblement de terre a frappé le centre de l'Italie cette nuit. Un séisme de magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter, ressenti jusqu'à Rome, où de fortes secousses ont réveillé les habitants. L'épicentre était à quelques 150 km en Ombrie. Le bilan provisoire est de 8 morts selon les médias italiens et de très gros dégâts dans les villages de la région touchée. Le point dans le prochain journal à 9h. Le constructeur naval français DCNS, victime d'une fuite massive d'informations confidentielles sur ses sous-marins Scorpen, c'est ce que révèle un quotidien australien. Plus de 22 000 pages de documents techniques dans la nature. 14 départements sont désormais en vigilance orange pour la canicule. Ceux de l'Île-de-France et ceux du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de Lyon. Avec encore des pointes attendues aujourd'hui jusqu'à 36 à Paris, 37 en Bourgogne. Reportage avec les services d'aide aux personnes âgées à 9h. Et le football, Monaco rejoint le PSG et Lyon en phase de groupe de la Ligue des Champions. Monaco qualifié grâce à sa victoire à domicile hier soir, 1-0 sur Villarreal. Il est 11h04 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Alors c'est étonnant, les prévisionnistes de Météo France qui annoncent un temps plutôt mitigé aujourd'hui, mais c'est loin d'être le cas parce qu'il y a encore du beau soleil un peu partout, avec des nuages qui seraient de plus en plus nombreux, notamment sur l'est et le sud-est, idem pour l'intérieur de notre île. Et dans le courant de l'après-midi, il y aurait de la pluie dans les hauts, sur la plaine des Palmistes, jusqu'à hauteur de la Possession, en passant par le Colorado à la montagne. Il nous sera même difficile d'apercevoir les pluies au sommet. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre dossier retraite, les questions que vous souhaiteriez surtout poser à nos experts qui ont fait le déplacement ce matin, et spécialement pour vous, et puis n'hésitez pas à joindre le standard de la première au 02 62 99 2000. Quels sont les éléments qui manquent à votre dossier retraite et puis à quel âge vous devez prendre cette retraite? Jusqu'à 11h30, donc votre standard 02 62 99 2000. Et puis par SMS au 06 92 70 2000. Et puis nous irons retrouver tout à l'heure au standard Marie-Reine et Joe, et puis de nombreux messages par SMS. Je vous les donnerai, mes experts, donc jusqu'à 11h30 sur la première. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan, yo. A Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. A Dios le pido. Con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro. le pido. On se penche sur votre retraite aujourd'hui avec nos experts Emmanuel Boirot, Sautière, directrice de la retraite, et Yves Bénard, qui est assistant technique. Et puis les questions, les réactions au standard de la première. Joe qui patiente sur Saint-Paul, et puis nous avons Marie-Reine de Saint-André. Bonjour. Allô, Marie-Reine? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour Marie-Reine. Alors c'est à vous, et puis votre question s'il vous plaît. Oui, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour madame. Bonjour. Je voudrais savoir, j'ai eu 73 ans le mois de juin, et je travaille toujours, et je voudrais savoir si je fais ma demande de retraite, j'aurai le taux plein, parce que, étant donné que j'ai toujours travaillé à mi-temps. Vous avez 63 ans, c'est ça? Oui. 63 ans, très bien. Vous pouvez parler un peu plus fort, Marie-Reine, s'il vous plaît? Oui. D'accord, merci. Yves Bénard. Alors madame, vous avez 63 ans, certes. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 10 06-53. Alors, le 10 juin 1953. Votre point de départ, l'âge légal, vous, serait dû être le 1er juillet 2014. Donc, vous avez fait une demande déjà auparavant ou pas? Non. Non? D'accord. À l'heure actuelle, donc, vous dites que vous n'avez pas le nom de trimestre, puisque de toute façon, c'est ce que vous nous avez indiqué. Moi, je pense qu'il faudrait prendre vos coordonnées hors antenne pour qu'on puisse voir votre carrière et peut-être vous renseigner par la suite, hein? D'accord. C'est ce que je préférerais, moi. Oui, parce qu'il faut qu'on ait vraiment la totalité de vos trimestres dans votre dossier pour pouvoir vous faire une estimation, une simulation. D'accord, merci. Mais on a vos coordonnées, Marie-Reine, d'accord? Donc vous allez oui, me rappeler. Oui, tout à fait, dans les 48 heures. Soyez rassurés. Merci à vous, à bientôt. Merci, madame. Et puis avant d'avoir Joe au standard, c'est la question de notre auditrice donc, par SMS, c'est pour la retraite, donc... SPA, ASPA. Donc, si vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire pour les autres. Alors, je vous laisse la parole à Mme Marot, si vous voulez que vous commenciez. Alors, l'ASI et, l'ASPA sont des minimums. L'ASPA correspond à ce que l'on connaît plus ici à La Réunion sous le nom de minimum vieillesse. Le minimum vieillesse, c'est une prestation que l'on verse à des personnes qui sont retraitées et qui touchent des toutes petites pensions. L'ASPA permet de porter le niveau de revenu de la personne retraitée à peu près 800 euros par mois. Donc, toute personne qui touche moins de 800 euros par mois avec sa retraite peut demander l'ASPA. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pourraient prétendre à ce minimum vieillesse mais qui hésitent à le demander parce qu'elles ont entendu dire que à leur décès, leurs enfants devront rembourser l'ASPA. Voilà. C'est ça, oui. Alors ce n'est pas tout à fait exact. L'ASPA, c'est un minimum vieillesse, c'est une prestation qui est versée du vivant de la personne. Il est vrai que la loi indique qu'au décès de la personne, la CGSS va regarder les sommes qui ont été versées et peut récupérer une partie des sommes versées sur l'héritage de la personne décédée. Mais on ne récupère pas au premier euro. On va d'abord regarder si la personne avait du bien. Si la personne n'a pas de bien, nous n'irons pas demander à ses héritiers quoi que ce soit sur l'héritage. Et puis, même lorsque la personne a du bien et qu'il y a une liquidation de la succession, il faut savoir que si la succession n'atteint pas 39 000 euros, il n'y a pas de récupération non plus. À partir du moment où il y a plus de 39 000 euros de succession, la CGSS viendra demander un remboursement des sommes perçues par la personne décédée, mais cette somme est prise sur une partie de la succession et du bien. Alors c'est vrai que le conseil que nous donnons à nos assurés, c'est effectivement de s'y prendre à l'avance, c'est-à-dire que s'il y a une donation des biens du vivant, et si la question de la succession est réglée avant le décès de la personne, bien quand la personne décède, l'héritage est déjà liquidé, tout a été fait, et donc la CGSS ne reviendra pas demander quoi que ce soit en termes de remboursement. Donc quand on veut toucher, ou quand on sait qu'on va avoir une pension de retraite faible, je dirais que le plus tôt est le mieux pour organiser sa succession, faire une donation. Si on s'y est pris 10 ans avant la date de décès, il n'y a vraiment plus aucun retour de la CGSS. Alors c'est pour ça que notre auditeur dit il ne faut plus avoir de biens pour que les enfants ne remboursent à la mort du retraité, ouais. Mais si la personne garde la jouissance et que la taxe foncière est toujours à son nom, est-ce que cela donc a une, nous dit l'auditeur, a une importance ? Oui, c'est exactement ce que c'est la réponse que Madame Moirot a apportée. Hein. Moi, je voulais juste apporter une précision. C'est vrai que les gens se demandent souvent pourquoi je dois rembourser sa retraite. Oui. Il faut savoir que quand vous travaillez, vous cotisez pour percevoir une retraite. D'accord ? Si cette retraite est faible, cette allocation de solidarité aux personnes âgées, dite ASPA, c'est un complément qui est versé, qui n'a rien à voir avec les cotisations. C'est une assistance. Ce qui veut dire que c'est pour ça qu'elle est récupérable. Comme vous le disiez, Madame Moirot, si le bien n'appartient plus au retraité au décès, lors de l'analyse de la succession, il n'y aura pas de récupération. Et voilà. Je réponds effectivement à ce monsieur, la taxe foncière n'a pas d'incidence. Joe de Saint-Paul, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. En fait, moi, c'est c'est pour une information et voir s'il y a une possibilité. Alors, j'explique mon cas. Je suis très jeune, j'ai 44 ans. Oui. Donc, j'ai travaillé en 92-93. Quand j'étais étudiant, j'étais maître père. Oui. Donc, ensuite, j'ai fait mes études, je suis arrivé à La Réunion. De 95 à 97, j'ai été engagé à l'armée en tant que moniteur technique. Oui. Oui. Ok. Et depuis 97, je travaille dans une chambre consulaire. D'accord. Oui. Et puis depuis 2012, je suis aussi agriculteur. Et bon, ben moi je voudrais pas attendre 62 ans, 65 ans comme mon père a fait et puis tomber malade et puis pas du tout en profiter de sa retraite. Donc je voudrais m'arrêter à 55 ans. Comment faire pour savoir si j'ai droit à quelque chose et si j'ai droit à quel montant ? Alors il n'a que 44 ans, mais il se pose déjà la question. Il sait déjà à quel moment il souhaite partir à la retraite. Je vais mon père qui un an pour sa retraite, qui a travaillé jusqu'à 68 ans, un an après, qui est tombé malade. Je ne fais pas ça. Alors, est-ce qu'il s'intéresse un peu trop tôt Monsieur a tout à fait raison. On ne s'intéresse jamais trop tôt à sa retraite. On parlait tout à l'heure des carrières incomplètes. Il faut savoir qu'à partir du moment où on est actif, on peut ouvrir son compte sur l'assurance-retraite.fr pour aller jeter un petit coup d'œil sur son relevé de carrière et voir si tous les trimestres travaillés, cotisés, apparaissent bien dans son relevé de carrière. Mmh. Ça, on peut le faire à tout âge. Et à tout âge, si on constate une anomalie, bien on garde bien ses documents justificatifs, ses bulletins de salaire ou ses contrats de travail pour pouvoir avoir tous les documents sous le coude le moment venu quand il s'agira de traiter la demande de retraite. Après, concernant monsieur, je laisserai monsieur Bénard prendre la relève. À mon avis, 55 ans, ça ne va pas être possible. Alors j'ajoute juste l'information j'ajoute juste l'information que sur le site, dès sa génération, il peut faire une estimation, parce que nous avons un logiciel qu'on appelle Marel sur l'assurance-retraite.fr. Il peut déjà, en complétant quelques champs, quelques onglets, avoir une idée de ce qu'il pourrait percevoir à sa retraite. Le seul souci, c'est que, comme on a commencé l'émission en le précisant, il y a un âge légal pour partir à la retraite. Ouais. Et il ne peut pas, dans son cas, l'âge légal n'est pas 55 ans. Il ne peut pas. Joe, vous êtes déçu, hein? Déçu, non, mais... Si même moi je vais arrêter à 55 ans, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout RSA. Si j'ai dit, à 55 ans, je dis, bon, j'en ai marre, je préfère aller marcher dans les cirques de mètres carrés que de m'embêter, quoi. Du moins, pas m'embêter, mais. Oui, j'ai bien compris. Nous avons bien compris. Je ne pas ma vie travailler et mourir à deux ans près, quoi. Alors, pour le RSA, il faudra vous rapprocher de la caisse d'allocation familiale. Mais par contre, moi, je vous dis que si vous voulez avoir une retraite d'un montant quand même qui est un montant qui pourrait vous satisfaire, il faut cotiser. Si vous arrêtez à 55 ans, vous risquez d'avoir une très faible retraite. Surtout que vous avez commencé tard, me semble-t-il, quand vous décriviez votre carrière. Le niveau de votre pension risque d'être vraiment très faible. Voilà un peu le sentiment, la réaction des experts. J'ai eu mon relevé de carrière, parce que là où on travaille, nous a donné. Oui. J'ai eu celui de Métropole, et il me manquait l'armée. Alors, je sais pas, soit de l'armée, il me manquait. Il me manquait ces deux années d'engagement à l'armée. De toute façon. Donc, j'avais appelé, il me dit, il faut te téléphoner à Lille, c'est-à-dire le centre militaire à Lille, en Métropole, pour voir ça. Bon, du coup, Excusez-moi, monsieur. Je pense que vous pouvez passer par la caserne Lambert et demander un état signalétique et des services pour qu'on puisse remonter cette période militaire. Je crois que j'ai demandé, ça me semble. Mais par contre, j'ai mes bulletins salaires. Hein, donc, j'ai mon contrat, j'ai mes bulletins salaires. J'ajoute juste une chose. Vous avez été engagé, vous m'avez dit, hein, au niveau de l'armée. C'est possible qu'il faudra demander un document complémentaire, effectivement, peut-être à Lille, pour qu'on puisse remonter cette période d'engagé militaire. Voilà. Okay. Merci, Joe. Il faut que je travaille jusqu'à 62 ans. Et oui, monsieur. Alors, votre balade dans les cirques, faudra patienter. Oh, voilà, je crois. Ah, bah ouais. Merci. Merci. Allez, à très bientôt. Marie de Saint-André, bonjour, Marie. Oui, bonjour. Bonjour. On vient vers vous dans moins de 2 minutes sur la première. Merci. Réunion Première, la plus grande couverture FM de Lille. À Sainte-Rose, 96.5. Sainte-Suzanne, 90. Salazie, 90.8. Piton-Textor, 89.6. Merci de votre fidélité. Et retrouvez la liste des fréquences sur notre site internet réunion.lapremière.fr. Première. Black M sur ma route, encore un gros quart d'heure pour rejoindre Mathias au standard 02 62 99 2000. Nous sommes sur ce dossier qui est la retraite, un dossier très important, un moment clé de la vie, de sa vie surtout. 06 92 70 2000 pour tous les messages par SMS. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma sans savoir vers où j'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route, y'a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand et on est seul, on meurt sur seul. Ma route, oui. Des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une pause. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou. Sur notre route, il y a Jean Dutampon et puis Marie de Saint-André. Rebonjour Marie. Oui, rebonjour. Allez-y. Alors, donc moi, j'ai une question pour mes grands-parents. Donc mes grands-parents, les décédés tous les deux, ils avaient un bien qui vaut plus de 39 000 euros. Oui. Et ils ont là gagné la, comment on appelle ça, pension de vieillesse là. Oui, oui. Et mais ils voulaient savoir au niveau du... Parce que normalement, les héritiers doivent rembourser. Si vous devez rembourser l'allocation, c'est ça, vieillesse? Voilà. C'est ça, ouais. Mais comme la succession, là, l'a jamais été faite, oui. Comment la Sécu connaît s'il faut rembourser ça ou pas? Comment le savoir? Oui, bonne question, Marie. Yves Bénard. Bon, il faut savoir que nous avons des services qui gèrent ce genre de dossier. Hein. Ils vont entrer en contact avec un notaire et puis le notaire va se charger du dossier. D'accord, mais par exemple, nous, on avait déjà un notaire et tout. Oui. Mais maintenant, il n'y a plus de notaire. Hein. À ma connaissance, tous les dossiers ont été retirés chez le notaire. Mm-hmm. Et ben le bien reste là et voilà quoi, donc il n'y a pas de suite, il n'y a rien, il n'y a pas eu de partage, il n'y a rien du tout. Vos grands-parents sont décédés en quelle année, madame? Oula, ben ça, là, alors ma grand-mère, elle est décédée il y a plus de 6 ans. Oui, et votre grand-père? Mon grand-père, il y a plus de, ben, je crois qu'il y a plus de 10 ans. D'accord, et la CGSS n'est jamais revenue vers vous? Non. Nous aurions dû revenir vers vous. Normalement, oui. On reprendra vos coordonnées et on vous recontactera hors antenne, madame. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. On pourra rentrer un petit peu plus dans le détail de votre situation. D'accord, mais de toute façon, il faut que ce soit remboursé. Si le bien dépasse 39 000, il faut que ce soit remboursé. Alors, en théorie, oui, mais après, il faut qu'on sache quel type de bien, quel est le montant de la succession. Et si en plus la succession n'est pas liquidée, ça rajoute à la complexité de la gestion de votre dossier. C'est pour ça qu'il faudra regarder votre dossier de plus près, Marie. Donc, on s'occupe de vous, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Vous trouvez ça bien, quand même, non? Ça va? Comment? C'est bien, non, de vous poser votre question et puis on va beaucoup plus loin. Oui, parce que bon, ça fait déjà un bon moment et la succession n'a jamais été faite. Donc, voilà. Après, ça peut traîner, et voilà, donc... Oui, je vous comprends, madame. Vous avez besoin d'y voir plus clair et on va s'attacher à vous renseigner. Après, on a nos enfants, on a tout ça. Bien sûr. Il ne faut pas que ce soit un dossier qui traîne. Oui, puis que les dettes ne se transmettent pas aux enfants également. Voilà, exactement. On est bien d'accord. Merci, Marie. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. J'espère qu'on aura le temps de répondre à toutes les personnes en direct. Jocelyn, qui est patiente de la possession, et puis alors Jean, du tampon. Et puis vraiment merci à nos experts, Emmanuel Waro-Sautière, directrice de la retraite, et Yves Bénard, assistant technique. Jean, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Jean. Voilà. Bonjour. Voilà. Merci de me prendre. Je suis. J'avais posé ma question, en fait, c'est elle est toute simple. Hein. Ouais. Je suis né en 58. En 1958, oui. Voilà. Et j'ai commencé à travailler en 1976. J'avais 18 ans. Je suis enseignant. Oui. Oui. Et en fait, ma retraite n'a cessé de reculer. Vous savez, j'ai commencé, je devais aller à la retraite à 55 ans, puis ça a été 60 ans. Maintenant, c'est 62 ans. Et je me demandais, est-ce que ça marche toujours longue carrière pour moi, par exemple, est-ce que je pourrais partir à la retraite à 60 ans? Vous êtes de l'éducation nationale, monsieur. C'est ça. Hein. Voilà. Alors, malheureusement, nous ne pourrons pas répondre à votre question, car les réglementations sont parfois spécifiques, puisque vous êtes affilié à une caisse à un régime particulier. Le plus simple à faire, c'est ou de vous rendre sur le site internet de l'organisme dont vous dépendez, ou de prendre contact avec le rectorat. Ok, merci. Non, mais c'est pas grave, moi j'ai une réponse. Merci beaucoup. Désolé, monsieur, merci. Merci. Non, c'est très bien, j'ai eu ma réponse. Merci. Merci à vous. Jocelyn de la Possession, bonjour Jocelyn. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Jocelyn de la Possession. Oui. Oui, je voudrais parler un petit peu des responsables de la CASA, s'il vous plaît. Bah écoutez, vous avez Emmanuel Barreau. Je suis là, monsieur, je vous écoute. Et oui, Yves Bénard. Monsieur, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, mais pas la Zot pour prendre un petit renseignement avec Zot. Bien sûr, Jocelyn. Moi, à l'époque, maintenant, je suis en retraite. Hein. J'ai 71 ans. J'ai travaillé jusqu'à 65 ans. Oui. Mais j'ai terminé ma retraite dans la collectivité locale. Mais au départ, comme j'avais 60 ans, il fallait. Bah, au départ, on a travaillé un petit peu dans le privé. Hein. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'on a rentré dans la collectivité. N'a rien à voir, le privé, avec la collectivité locale. Donc, moi, je ne savais pas, moi, j'ai fait 17 ans de vie privée. Et quand la mariée a 60 ans, il fallait monter une démarche au niveau de la caisse pour me bénéficier de ma petite retraite dans le privé. Mais moi, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Moi, je me dis quand ma partie à ma retraite, ben, m'a fait tout ensemble. Mais mon manque de peau n'était pas ça. Et ben, m'a perdu quand même. Ben, une somme d'argent quand même. Hein. Et fait que m'avait un contentieux au niveau de la caisse. Je vous dis franchement, t'es un petit contentier. Oui. Mais ça l'a pas marché. de la participation devant le tribunal, mais moi, sans dire que mes plus à casse au tribunal. Hein. Et votre question, Jocelyn, votre question. Mais ma question, dernièrement, on m'avait entendu une émission, Mme Palavergos, avec un des responsables et un directeur de la CASA, il m'a dit, ne passe jamais trop tard pour faire appel à quelque chose. Mais c'est pour ça, là, mais à profit de l'occasion, je me dis, maman, t'es toujours. Oui. Quoi, madame, ça y est, monsieur, ça y pense. D'accord. C'est ma situation. La question est simple. Hein. Alors, oui, Emmanuel Boireau, Sautière. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'était vous qui étiez en compagnie de Aude Palavergos. Oui, effectivement. malheureusement, monsieur, vous savez bien que la CGSS agit dans le cadre de la loi. Nous empêche de payer rétroactivement une retraite. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la date de la demande de retraite. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre le plus tôt possible. Entre nous, là, moi, je vous coupe pas. Oui. Mais le reproche que la Caisse m'a fait devant le tribunal en me disant que elle avait reçu un courrier. Mais elle m'a insisté, elle me dit, mais voilà, pas pourquoi, pour mon intérêt à moi, que si madame avait reçu un courrier, mais je n'ai pas fait ma démence. Moi, je n'ai jamais reçu aucun courrier de la Caisse. Vous voyez? C'est pour ça, moi, je pensais quand même, dit, quand va arriver comment partir ma retraite, parce que moi, travaillé 65 ans, je dis, comment partir 65 ans, mais m'a fait mon petit... Mais vous êtes en carrière dans les privés, m'a fait tout ensemble, mais... Alors, je comprends, monsieur. La difficulté que vous évoquez, c'est parfois un défaut d'information. C'est la raison pour laquelle nous intervenons aujourd'hui sur Réunion Première. C'est parce qu'effectivement, la CGSS n'envoie pas de courrier pour dire à une personne, quel que soit son âge, il va falloir que vous fassiez votre demande de retraite. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour passer ces informations, pour qu'il n'y ait pas, de raté, parce qu'une personne qui pouvait prétendre à la retraite à 60 ans, si elle vient à 65 ans, elle n'aura pas le remboursement des 5 dernières années. Alors, pour aller très vite, parce qu'il y a du monde... Mais Jocelyn, attendez, s'il vous plaît. Parce qu'il y a du monde au standard, c'est pour ça. Donc, il doit se rapprocher de... On va le recontacter, on va refaire le point, si éventuellement il y a des compléments. Voilà, Jocelyn, d'accord ? Pardon, comment, madame ? On vous recontacte, Jocelyn. Ah bon, ben c'est bon, parce que moi, madame, moi, monsieur, ça ne m'amurote pas là-dessus. Non, Jocelyn, on vous rappelle. D'accord ? On vous rappelle, Jocelyn. Oui, mais bien sûr, on est là pour répondre à votre question, et puis on suit votre dossier. Voilà. Tiens, madame Massaï, monsieur, merci. De rien, merci, monsieur. Merci. Allez, okay, il est 11h30 sur la première. Marie-Claire, du Tampon. Bonjour, Marie-Claire. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, j'avais une question. J'ai liquidé ma retraite éducation nationale en 2010. Oui. Mais j'ai des trimestres validés dans le régime général. Et je voulais savoir à quel moment je dois faire des démarches pour bénéficier de ces trimestres validés. Alors, bonjour madame. Yves Bénard. Je vais vous dire ça tout de suite d'après votre date de naissance. 16-1-64. Votre téléphone coupe de temps en temps. On n'a pas bien compris. Ah, d'accord. Ben, votre date de naissance ? 16-1-64. 16 janvier ? 64. Voilà. 1964. Oui. D'accord. Et vous êtes déjà retraité de l'éducation nationale ? Oui. D'accord. Mais il faut savoir que pour vous, ça va être 62 ans. À 62 ans, on préfère vos démarches chez nous pour percevoir la partie du régime général. D'accord. Même si j'ai liquidé ma retraite avant la nouvelle réforme. Même si elle a décidé de sa retraite. Oui, parce que là, on parle bien de l'âge légal dans notre régime. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est 62 ans, vous faites moins 6 mois pour le premier contact avec la CGSS. D'accord. Merci beaucoup. Exactement. Merci à vous. Merci. Oui, merci. À très bientôt. Fernand, de l'Étincelle. Bonjour, Fernand. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, mon problème, c'est que... Fernand, ne criez pas trop dans le téléphone, s'il vous plaît. Oh, d'accord. Parlez normalement. Voilà, allez-y. Alors, mon problème, c'est qu'il y a 26 ans, donc j'ai créé mon entreprise. Oui. Donc, maintenant, bon, je suis au RSI. Par contre, j'ai eu une dizaine d'années où j'étais presque non solvable. Oui. Donc, moi, j'avais pensé qu'il y avait quand même, un élan de solidarité. Oui. Et ce qui fait que, donc, comme, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau de RSI, et j'ai eu 10 ans, en fait, 10 ans de... Je vois pas où c'est passé au niveau de ma retraite, puisque soi-disant que j'étais non solvable, que j'ai pas donné de cotisation. Oui. Et donc je me retrouve maintenant avec 10 ans en moins sur ma retraite. D'accord. Et ce qui s'est reculé alors que j'ai actuellement l'intégralité des trimestres. Oui. Donc là maintenant je suis obligé d'aller jusqu'à 65 ans. Voilà. au lieu de 62 ans. Votre question, s'il vous plaît. Voilà, ma question, c'est pour ces 10 ans pour les... qu'on va comptabiliser sur ma retraite, oui. Est-ce que c'est normal ou pas normal? Oui, Yves Bénard, Emmanuel Loireau-Sautière, oui. Alors, ce que je vous conseille de faire, monsieur, c'est de vous rapprocher du RSI. Nous ne gérons pas le RSI, nous sommes sur le régime général. Donc, nous n'aurons pas accès aux éléments concernant votre dossier, nous ne pourrons pas vous apporter les précisions souhaitées. C'est du côté du RSI qu'ils seront à même de vous répondre, puisque votre dossier est pris en charge par eux. Oui, bien sûr. Mais quelque part, au niveau de la loi, est-ce que j'ai droit ou pas droit? C'est ça, ma question, elle est là. Alors, ce sont des réglementations spécifiques et des législations spécifiques. Il se peut qu'une règle au régime général ne soit pas la même au RSI. C'est pour ça que je vous invite à contacter le RSI. Voilà, Fernand. Bon. Ok, ben, je vais essayer de voir ça. Alors. Non, n'essayez pas. Allez-y, jusqu'au bout. D'accord? Okay. Merci à vous. Merci. Et puis on va terminer avec Marie de Petite-Île. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour, c'est à vous. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, alors ma question en fait c'est pour ma maman. Hein. Oui. Donc elle a fait sa demande de retraite à 65 ans. Et donc elle bénéficie d'une petite retraite, je peux éventuellement vous dire, elle touche 97 euros par mois. Oui, effectivement, c'est très peu. Voilà. Et donc, elle n'a pas fait sa demande d'ASPA en même temps. Elle l'a fait un an après. Mmh. Et pour l'instant, elle n'a eu aucune réponse. L'ASPA, donc l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Voilà. Hein, voilà. Et voilà, cela dit en passant, elle n'est pas propriétaire. D'accord. Oui. Votre maman ou vous-même, vous avez déposé votre demande d'ASPA quand exactement? Au mois d'octobre de l'année dernière. Bon, bah écoutez, madame, ce délai est un délai anormal. Il y a peut-être eu une difficulté sur votre dossier. Ouais. On regarde ça et on vous recontacte très rapidement. D'accord. Je vous donne sa date de naissance éventuellement? On prendra votre. Oui. On a vos coordonnées hors antenne et Marie. Vous pourrez nous donner tous les éléments hors antenne. Très bien. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, au revoir. Marie? Mon oui. téléphoniste d'antenne va faire une jolie petite fiche avec tous ceux qui sont passés à l'antenne, avec leur numéro de téléphone, etc. Oui. Et puis la Caisse Générale de Sécurité Sociale vous rappelle après. D'accord. Très bien, merci. Merci à vous. Merci, au revoir. À très bientôt. Allez, on va faire le bilan et puis on va rappeler un petit peu tous les numéros très importants, donc juste après Famille Mélodie sur la première. On nous dit tout le temps, sans bien gaz d'étroit. Dans toute cette nous la ville, la point rien vous était. Si t'es faux, on commence à zéro, moi t'es fait des fois. La confiance ou n'est la point rien vous caler. On nous dit tout le temps, sans bien gaz d'étroit. Dans toute cette nous la ville, la point rien vous était. Si t'es faux, on commence à zéro, moi t'es fait des fois. La confiance ou n'est la point rien vous caler. Quand il pense tout le temps, tout de monde et dit nous des ou nous la croise trop bonheur. Pas pour ça, nous l'arrête, voir à nous, au contraire, nous des ou nous la bien profiter. Après ça, nous la fiancée, après même nous la mariée. Nous la monter plus fort, même si la mauvaise a été pour guetter. La jalousie n'en a pas tout, mais tout ça y atteint pas nous. Quand nous dit tout le temps, sans bien gazer trois. Rien pour jeter. Si t'es faux, on commence à zéro. Moi t'es fait des fois. La confiance on est nalle. La point rien pour caler. On nous dit tout le temps. Sans bien gazer toi. Dans tout cette nous la fait. La point rien pour jeter. Si t'es faux, on commence à zéro. Moi t'es fait des fois. La confiance on est nalle. La point rien pour caler. Dans la point un jour. Où ça bâton dans nous roule à poumailler. Si t'es pas l'amour, nous t'es fine, fait plaisir en bande tête gommée. Dans t'y garde à nous traverser, dans t'y garde à nous embrasser. Zot l'arme y coule, moi les cires, zot y trouve à nous trop amourés. La jalousie n'en a pas tout, mais tout ça y atteint pas nous. On nous dit tout le temps, sans bien gazer étroit. Dans tout cette nous la fait la pointe. Rien pour jeter. Si t'es faux, on commence à zéro. Moi t'es fait des fois. La confiance ou n'est nalle. La point rien pour caler. On nous dit tout le temps. Sans bien gazer droit. j'étais. C'était faux, à commence à zéro, moi t'es fait des fois. La confiance tout n'est n'a la poirie à tout caler. Moi nous t'es tout le temps sans bien gazer toi. Non, il y a ta badou. Dans toute scène nous l'a fait la poirie à tout j'étais. C'était faux, à commence à zéro, moi t'es fait des fois. Il aurait fait des fois. La confiance tout n'est n'a la poirie à tout caler. Moi nous t'es tout le temps. La retraite, c'est comme un bon carry, il faut bien préparer. En tout cas, merci à tous nos experts de ce matin, Emmanuel Roy-Rossotière, directrice de la retraite, et Yves Bénard, assistant technique. Merci à tous ceux qui ont posé des questions en direct. Alors, le message très important à retenir, s'il vous plaît, c'est que la retraite n'est pas automatique. Emmanuel Roy-Rossotière. Oui, c'est tout à fait ça. La retraite n'est pas automatique. À partir du moment où on a l'intention de prendre sa retraite, 6 mois avant, on contacte la caisse, la CGSS, on indique son souhait de partir. Et un technicien, un conseiller au téléphone donnera les premières indications, les premières orientations les différentes étapes, hein, annoncera les différentes étapes qui permettront à la personne de partir à la retraite sans rupture de ressources. Alors pour le régime général, il faut composer quel numéro de téléphone, Yves Bénard ? Le 3960. Et pour donc les exploitants agricoles ? Pour les exploitants agricoles, pardon, c'est le 02 62 40 36 22. 22. 40 36 22. Merci. Autre chose à rajouter ? Mais moi, je dirais que il y a ce premier message qui est de s'y prendre 6 mois avant. Mais on peut aussi rappeler que c'est important de se préoccuper de l'état de sa carrière et qu'il n'y a pas d'âge pour s'en occuper. Il faut aller sur internet, l'assurance-retraite.fr. Mmh. On a son relevé de carrière et ça permet de déjà repérer les recherches qui seront à faire, les employeurs à contacter pour disposer de toutes ces pièces. Et puis un dernier message, on n'en a pas parlé, la caisse reçoit sur rendez-vous. Lorsque une personne veut partir à la retraite, on lui envoie un dossier et un conseiller la rappelle pour faire le point avec elle sur son dossier et lui fixer un rendez-vous. Si on fixe un rendez-vous, c'est que ce rendez-vous est nécessaire et utile. Et nous avons beaucoup d'assurés qui, après avoir reçu ce coup de téléphone, remplissent leur dossier et le mettent dans la boîte aux lettres. Les dossiers sont souvent incomplets et donc on perd du temps dans le traitement du dossier. Donc pour un dossier traité rapidement, si on vous donne rendez-vous, venez au rendez-vous. Mathias m'a déjà envoyé le petit mail avec toutes les personnes qui sont passées à l'antenne et je vous transfère, je vais réclamer votre adresse mail. Je vais vous envoyer le mail. Je vais donc suivre ce dossier de très près. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Roy-Rossotière, directrice de la retraite, et Yves Bénard, assistant technique. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. So listen close, hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. Class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travy, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. And no, my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. Let's go. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. So hard to find. So hard to find. I'll take your hand and hold it closer to mine. Yeah. Thought love was dead, but now you're changing. Yeah. My mind. Yeah. Come on. Ooh. My heart's a stereo. Yeah. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh, oh, oh. Make me your radio. Uh-huh. And turn me up when you feel low. Stereo. Dans un quart d'heure, le journal de la première et juste après votre émission, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Au sommaire aujourd'hui de l'émission, la rentrée étudiante, qu'ils soient jeunes bacheliers ou déjà engagés dans un cursus universitaire, les jeunes reprennent le chemin de la fac avec pour certains des difficultés financières à résoudre ou un logement à trouver. On en parle de 12h15 à 12h45. Les réactions au standard de la première, 02 62 99 2000. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Le temps fait de connaissance, mais laisse pas moins dans l'ignorance. Comme aux ancêtres, mon maman, il raconte-moi toute sa souffrance qui te traverse, toi. Comme aux ancêtres, sortir à Van Triang, tout ça l'a personné. Chacun sa tradition, n'a roule ses gars, ouais, n'avait les frissons. Merci d'écouter Réunion Première. Il est 11h49. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Monsieur Séchelle Joseph Daniel, décès survenu hier à l'âge de 47 ans. Le convoi sortira à 14h30 au numéro 5 rue Émile Mariama à Saint-Louis. La bénédiction aura lieu à 15h en l'église de Saint-Louis et puis l'inhumation au cimetière de Saint-Louis. Décès de Madame Mansarnet Lagourde Marie-Léone. Décès survenu aujourd'hui à Temps-Rouge à l'âge de 98 ans. Le convoi sortira au 40 chemin Temps-Rouge à Saint-Paul le 26, donc c'est vendredi. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Gilles-Léo et suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Gilles-Léo. Décès de Madame Padre Né Robert Rita Marie, décès survenu hier à l'âge de 76 ans. Le convoi sortira à 16h en la chapelle ardente du Tombon aujourd'hui. Donc en l'église de la chapelle ardente, l'inhumation suivra au cimetière du Tombon. Décès de Alex Wilson, fils de Alex Marius, donc gendarme. Profession forain. Décès survenu hier à Terre Sainte, à l'hôpital de Terre Sainte à Saint-Pierre, à l'âge de 40 ans, domicilié au 17 chemin Bramouton, Guillaume Saint-Paul. La veillée se fait au 17 chemin Bramouton à Guillaume Saint-Paul. Le convoi sortira à cette adresse et suivi donc de la bénédiction. L'inhumation se fera au cimetière de Guillaume. Décès de Boyer Jean-Baptiste, décès survenu le 22 août, à l'âge de 67 ans, le domicilié au 23 chemin des Manguiers à la montagne. La veillée se fait au centre funéraire de Prima. Le convoi sortira du centre funéraire de Prima, suivi de la bénédiction religieuse à la montagne à 14h30 aujourd'hui. L'inhumation suivra donc au cimetière de Bois-Rouge. Décès de Madame Eugérard Marie-Thérèse Christine Néfolgoat, décès survenu le 22 août à l'âge de 74 ans, domiciliée au 40 cité Roland-Garros en Moufia. Le convoi sortira au domicile, suivi de la bénédiction religieuse demain à 14h30, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-François. Décès de Lorette Loïc, employée de mairie, domiciliée au 25 rue Évariste Berg à Sainte-Clotilde. Décès survenu hier à l'âge de 48 ans. La veillée se fait chez sa mère au 25 rue Évariste Berg à Sainte-Clotilde. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 15h en l'église du Chaudron à Saint-Denis, suivie de l'inhumation au cimetière de l'Est. Décès de Monsieur Kessari Lucien dit Tora, Monsieur Kessari Lucien dit Tora, décès survenu aujourd'hui à l'âge de 62 ans. Le convoi sortira de son domicile au 22 rue Théodore Thomas à Saint-Pierre. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Monsieur Pangrani André Joseph, décès survenu le 31 juillet à Moscou à l'âge de 51 ans. L'inhumation de l'urne cinéraire donc se fera au cimetière de Bois-Rouge et sera précédée d'une cérémonie d'adieu à 15h demain, jeudi 25, à la chapelle du centre funéraire. Décès de Madame Veuve Adamar Nécaron, Marie Ruffine dite Aiglée. Décès survenu aujourd'hui à l'âge de 82 ans. La veillée se fait chez sa fille, Madame Minette Marie-Yvette, au numéro 1 rue des Bains-Joints au Guillaume Saint-Paul. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Monsieur Savignan Henri Gérard, décès survenu le 23 août à l'âge de 88 ans. La veillée a lieu à son domicile au 17 chemin des Pensées, au 17e kilomètre à la plaine des Cafres. Le convoi sortira aujourd'hui à 13h30 du domicile. La bénédiction aura lieu en l'église de la plaine des Cafres à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière du 23e kilomètre à la plaine des Cafres. Décès de Monsieur Lapierre Expédie Joseph, décès survenu le 1er août à l'âge de 60 ans. Le convoi sortira du centre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie aujourd'hui à 13h15. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Benoît à 14h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Monsieur Plante Guy Adrien. Monsieur Plante Guy Adrien, décès survenu hier à l'âge de 87 ans. Le convoi sortira de chez son fils Monsieur Plante, donc au 73 rue Michel Debré, à la Mare à Citron à Salazy, aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Salazy à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Salazy. Décès de Madame Charlotte Néniquez-Marie-Nicole. Madame Charlotte Néniquez-Marie-Nicole, décès survenu le 22 août à la clinique Ylang-Ylang à l'âge de 62 ans. Le convoi sortira au 17 rue Aubert-Séverin à Saint-Paul, aujourd'hui à 15h15. La bénédiction aura lieu en l'église de l'étang à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Pinault, Camille Sylvain. Monsieur Pinault, Camille Sylvain, décès survenu hier à l'âge de 80 ans. Le convoi sortira de la salle funéraire de Saint-Benoît, c'est à côté du marché forain, aujourd'hui à 15h15. La bénédiction aura lieu à Sainte-Rose à 16h, l'inhumation au cimetière de Sainte-Rose. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Veolia Eau qui informe ses abonnés, notamment de Saint-Louis, qu'en raison du lavage et de la désinfection du réservoir Roche-Maigre, les perturbations, voire coupures pourraient se faire sentir à partir de demain, donc dès 8h pour les secteurs suivants, Saint-Louis, Roche-Maigre. Et puis notamment la CISE qui informe ses abonnés de la commune de Trois-Bassins que suite aux travaux sur le forage de la Grande Ravine, la distribution en eau sera perturbée sur l'ensemble de la commune. Aujourd'hui, la remise en eau se fera dès donc l'achèvement des travaux. Et puis l'EFS, l'établissement français du sang, qui annonce que pour demain, jeudi 25, eh bien, l'EFS sera à la mairie annexe de Saint-Gilles-Léo de 8h30 à 12h30 et puis au centre commercial Auchan à Saint-Louis, demain toujours de 12h30 à 17h. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on ne sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tiens qu'au détail. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. On s'afflige des supplices, puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen, la peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile en fond Airbnb. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. On passe, on s'afflige des supplices, puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe, on s'afflige des supplices, puis on se lasse. Tu m'aimes au fond de cette spirale, ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. Alors j'écoute du Miles Davis. des supplices. Puis on se lasse. Que c'est beau ça, c'est signé Navi avec à l'instant, j'écoute du mal, c'est Davis, ce serait le copain de Louane, voilà. Allez, un coup d'œil sur ce qui vous attend après le journal d'Antoine Garnier. L'émission c'est dans l'actu avec Philippe Dornier, ce sera donc comme sujet aujourd'hui la rentrée étudiante, qu'ils soient jeunes bacheliers ou déjà engagés dans un cursus universitaire. Les jeunes reprennent le chemin de la fac avec pour certains des difficultés donc financières à résoudre ou un logement à trouver. Vos questions, vos réactions, vos témoignages au 02 62 99 2000 et également par SMS au 06 92 70 2000. Très bon appétit à tous avec la première, il est midi. Le journal Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce mercredi, ce mauvais chiffre du tourisme en baisse de 4% sur les 6 premiers mois de l'année à La Réunion. Stéphane Foissin, le président de l'IRT, espère que les touristes seront plus nombreux dans l'île d'ici la fin de l'année. Dans ce journal, nous parlerons également de la nouvelle route du littoral, du manque de matériaux qui bloque l'avancée de la construction, de la digue et de Zourite, la barge en charge de la pose des piliers du viaduc, dont les premiers tests grandeur nature sont prévus aujourd'hui en mer. Un incendie dans les parties communes d'un immeuble au tampon a provoqué l'évacuation du bâtiment par les pompiers, mais le feu a rapidement été maîtrisé. Depuis lundi, les étudiants de l'Université de La Réunion font leur rentrée. Peu à peu, la rentrée étudiante sera le thème de C'est dans l'actu juste après ce journal. On attend vos questions et réactions sur notre standard. Bienvenue sur Réunion Première. Avec une baisse de 4% sur les 6 premiers mois de l'année, les chiffres du tourisme à La Réunion sont décevants. C'est Stéphane Foissin qui l'a annoncé ce matin sur Réunion Première Radio. Le président de l'IRT espère que cette baisse sera compensée par une augmentation du nombre de touristes d'ici la fin de l'année. La Réunion n'est pas le seul département français, loin de là, où le tourisme est en chute. Raphaël Kahn, c'est le même constat dans l'Hexagone. En France hexagonale, le tourisme plonge. La fréquentation touristique a baissé de presque 7%. La Réunion s'en sort mieux avec une baisse de 4%, un résultat tout de même inquiétant. Ces dernières années, le nombre de touristes à La Réunion a connu des fluctuations. Entre 2011 et 2014, il a diminué sous l'effet de la crise économique et de la crise requin. La fréquentation touristique a ensuite commencé à remonter la pente au cours de l'année 2015, une tendance due à l'augmentation des touristes venant de l'océan Indien. Si le premier semestre marque un retour à la baisse, Stéphane Foissin, le président de l'IRT, affirme que le tourisme à La Réunion devrait mieux se porter au second semestre. En bref, aux Roches Noires, baignades et activités nautiques interdites depuis ce matin et jusqu'à ce week-end. Conséquence de la forte houle annoncée dans les prochains jours, les vagues pourraient atteindre 6 mètres en moyenne. Pour éviter la casse, la mairie de Saint-Paul a donc décidé